Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission branchée sur l'univers des arts sonores, des musiques nouvelles et expérimentales. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous propose ce soir une incursion dans l'univers sonore et artistique de l'artiste et commissaire Kate Carr, une artiste d'origine australienne qui vit au Royaume-Uni et qui explore depuis quoi une quinzaine d'années la singularité du son dans le contexte de la vie quotidienne. Passionnée d'enregistrement en direct, sa démarche sonore vise, dit-elle, à explorer la façon dont nous façonnons ou encore sommes façonnés par le sonore. Son travail artistique prend la forme d'installations sonores et de performances. On dit que ses œuvres sonores évoquent des voyages aussi réels qu'imaginaires à travers l'exploration d'univers sonores captés un peu partout dans le monde. Alors, pour débuter, je vous propose un extrait d'une magnifique pièce intitulée « Where to begin ?» Bon, par où commencer? Une œuvre inspirée par une commande de la radio BBC. J'ai fait un travail, dit-elle, autour de l'acte d'écrire une lettre d'amour, un truc que l'on fait seul pour tenter de se connecter avec quelqu'un d'autre. L'œuvre est composée de fragments de lettres d'amour lues en plusieurs langues, accompagnées de sons inattendus, bon, la chute de billes de verre frappant diverses surfaces, le frottement du stylo sur le papier. Alors, on écoute un extrait de cette pièce « Where to Begin » de Kate Carr. Thank you. also sent you an artwork of mine titled Eavesdroppers, and it is a painting of two small ears. I'm listening. Where to begin? In the beginning is normally where story starts, but this one starts here, with you. Bon, Kate Carr a réalisé de nombreuses résidences d'artistes. Elle s'est aventurée au nord de l'Irlande, dans de petits hameaux de pêcheurs. Elle a exploré les rives de la Seine, sondé la structure des ponts à Saskatoon, ici au Canada. Elle a enregistré la faune d'Afrique du Sud et du Mexique. Son travail a été présenté au Royaume-Uni et en Europe, dont je retiens les performances récentes là, à la Tate Modern de Londres et aux instants Chaviré de Paris. Dans la correspondance qu'elle fait parvenir, Kate Carr m'exprimait son grand souhait de venir un jour performer au Québec. Eh bien, le message est passé. Kate Carr a produit de nombreux albums depuis 2014, des albums que l'on retrouve notamment sur son label intitulé Flaming Pines, dont je vous reparlerai en cours d'émission. Cela dit, on écoute cette fois une création intitulée The Profusion of Minuscule Live. C'est tiré de l'album Down, Always New, Often Superb, Inaugurate the Return of the Everyday, dont la version française donnerait à peu près ceci: l'aube, toujours nouvelle, souvent superbe, inaugure le retour du quotidien. Alors on écoute ça. À propos de cet album créé en 2021, L'Aube toujours nouvelle, souvent superbe, il faut savoir qu'il exprime l'état d'esprit de Kate Carr au cours du confinement pandémique, là, il y a quelques années. J'ai fait cet album, dit-elle, par intermittence pendant le confinement et maintenant, alors que nous espérions entrevoir quelque chose d'autre, je m'étais demandé à quel moment l'aube nouvelle se lèverait. Je ferme les guillemets. Ce projet de Kate Carr a pour contexte sonore le rond-point Bricklayer's Arms à Londres, une porte d'entrée historique de la capitale londonienne. J'ai composé cet album, raconte Carr, en méditant sur les sonorités, l'histoire du lieu et l'allure qu'ont pris les espaces publics durant la pandémie. Ce qui était autrefois un carrefour animé, vibrant de Londres, s'est tu pour prendre de nouvelles significations. Bon, l'album a été composé principalement à partir de vibrations captées par un géophone et des microphones de contact placés sur des lampadaires, des murs, des canalisations vibrant au passage des voitures, des piétons et des cyclistes à travers le rond-point Bricklayer's Arms. Alors, je referme les guillemets pour illustrer le projet. On écoute « Nothing is immobile », »,« Rien n'est immobile ». Kate Carr raconte en entrevue qu'elle a emprunté bien des chemins pour en arriver à la création sonore. Intéressée toute jeune par les arts, le son et la musique, elle va exercer le métier de DJ, diriger ensuite un centre d'artistes à Sydney, Australie, et flirter avec le milieu des drag queens. C'est toutefois des études en musique qui lui feront découvrir la musique expérimentale. Elle raconte ceci: « Mes intérêts portent sur le merveilleux, la narration et les univers intimes. J'adore cette idée du potentiel créatif de l'essai-erreur et être nourri par l'émotivité, la nostalgie et le versant subjectif du son. » Voilà, je vous propose qu'on écoute une pièce tirée de l'album intitulé Splinters, une pièce intitulée Pebble-Static. Alors, une œuvre de Kate Carr. Bon, ce projet de Kate Carr, dont on vient d'entendre un extrait intitulé « Splinters », résulte, dit-elle, d'une résidence d'artiste à Londres qu'elle a documentée sur le plan sonore. Durant plusieurs mois, en tenant un journal sonore de ses déplacements, de l'avancement des œuvres en galerie, de ses déambulations dans les espaces verts et l'architecture urbaine, ainsi que des allées et venues des visiteurs dans l'espace d'exposition. « Splinters », dit-elle, « est un portrait sonore d'un temps et d'un lieu, ainsi que des actions et des événements qui s'y déroulent. » Bon, les œuvres donnent parfois l'impression d'un rêve à la fois sombre et énigmatique. Des phrases musicales répétées se mélangent à des sons de la vie quotidienne, vous verrez. Bon, des gens qui placotent, un train qui gronde dans la brume, une marche le long d'un marais, était menacé par le développement urbain. Alors, on écoute une autre pièce tirée de cet album, Splinters. Ça s'intitule Abraded. Et bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission autour des œuvres de l'artiste Kate Carr. Restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche Oreille. C'est la croche-oreille jusqu'à 22h, Gaëtan Gosselin au microphone sur les ondes de CKRL 89.1 qu'on retrouve, comme vous le savez, sur la toile à ckrl.qc.ca. Je vous présente ce soir quelques œuvres de l'artiste sonore et commissaire Kate Carr, une artiste d'origine australienne qui vit et travaille au Royaume-Uni depuis plusieurs années maintenant. Kate s'adonne tout particulièrement à la prise de son en direct sur le terrain, afin de construire des univers sonores qui explorent la relation qu'entretiennent les gens avec les sons et les lieux qui les entourent. Kate Carr raconte dans un entretien qu'elle accorde au magazine Closer Listen qu'elle s'est toujours passionnée pour les effets du son sur les sens, sur le corps et sur notre personnalité. Comment les sons nous façonnent-ils, demande-t-elle, comment influencent-ils sur nos modes de vie, notre vie intérieure? Je m'intéresse beaucoup, dit-elle, à l'expérience sonore de lieux inconnus, ainsi qu'aux manières subjectives de capter et d'enregistrer le son, en particulier lorsque nous sommes ailleurs de chez soi. J'aime être perdu et voir comment nous utilisons le son ou la musique pour se retrouver intimement ou retrouver simplement notre chemin. Je referme les guillemets. Dans cette veine, je vous propose qu'on écoute une pièce tirée d'un album lancé en 2014, probablement parmi ses premiers. Ça s'intitule « Fabulation », un album constitué des thèmes familiers de l'artiste, de lyrisme, mystère, fantasme sonore associé à des lieux. Je note que les pièces qui composent Fabulation sont construites à partir d'enregistrements réalisés à Marseille, Nice, Dublin, Belfast, Glasgow, Édimbourg et j'en passe. Alors on écoute une pièce intitulée Sound Art in Barcelone. Thank you. Bon, je l'ai évoqué déjà, la pratique du field recording est au cœur de la production sonore de Kate Carr. Elle souligne d'ailleurs dans une entrevue qu'elle accordait en 2015 que l'un des beaux aspects de l'enregistrement sur le terrain est la sonorité unique d'un site particulier et la signification ou encore la résonance qui en émerge. Les histoires que je raconte en utilisant ces sons découlent directement de leurs origines, des affects qu'ils véhiculent lorsqu'ils se répercutent dans l'espace et selon l'expérience d'enregistrement qui en résulte. Je pense, poursuit Kate Carr, que la nature expérimentale et intime de mon travail est peu courante dans le domaine de l'enregistrement sur le terrain. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre du son, la spécificité du lieu et le processus émotionnel ou encore expérimental que produit l'enregistrement. Qu'est-ce que je ressens ici à entendre ces sons-là? Comment puis-je utiliser ces sons pour raconter l'histoire de cette expérience? Ben voilà, de conclure, Kate Card les deux principales questions que je cherche à explorer. Zero. zero. On vient d'entendre un extrait d'une pièce intitulée « Contact », une version remaniée d'une performance présentée au Radio Frenia Festival à Glasgow en mai 2019. Vous l'avez compris, la pièce explore les émissions sonores produites par la radio, le code Morse, le sonore, le satellite, le Bluetooth, le sans-fil, les voix et bien sûr, j'en passe. C'est une ode, souligne Kate Carr, à la fragilité, au dynamisme et à la diversité des modes par lesquels nous tentons de nous contacter. C'est d'ailleurs à partir de cette idée, voire de cette nécessité de se connecter, que Kate Carr crée il y a une dizaine d'années le label appelé Flaming Pines, un label qui regroupe de nombreux artistes et leurs œuvres inspirées par l'enregistrement sur le terrain, les phonographies, l'art sonore et la musique expérimentale. Au départ, dit-elle, je voulais simplement sortir une composition d'art sonore inspirée des coordonnées météorologiques, un album intitulé « Listen to the Weather » et je croyais qu'il fallait que je fasse moi-même tout ça. Et tout s'est en quelque sorte mis en place assez rapidement. C'est ainsi qu'est né le label Flaming Pines. Alors, on retrouve le label sur la plateforme Bandcamp, un label plutôt intéressant. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album, compilation de 2011 à propos de la météo. Ça s'intitule « Listen to the Weather », une pièce de Kate Carr intitulée « Wait for me underneath, wait for me here ». Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste et commissaire Kate Carr. Alors, grand merci à Kate de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres et j'espère bien qu'on pourra la voir, l'entendre performer au Québec un de ces jours. En ce qui concerne ses œuvres sonores et son magnifique label Flaming Pine, vous trouverez ça sur la plateforme Bandcamp. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le titre des pièces entendues ce soir ainsi que les émissions produites jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, depuis les studios de CKRL à Québec, dans Limoilou, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.